commandant ange que c'est du gouvernement. Félicia, c'est vraiment fort, cette fois-ci trop très fort. J'avais dit que la fin était grave, mais cette fois-ci la fin est sérieuse. Au-dessus d'une montagne, y a plusieurs sommets. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le présent du saga premier temps qui est fort de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, et la légende vivante toujours. Quand vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les aigris, j'aime les jaloux. Car ils me permettent de me corriger, ils me permettent d'être plus fort, ils me permettent d'être plus costaud. Et vous saga, les gens t'aiment pas, aime toi-même, c'est l'essentiel. Dieu, et DJ Casper fait monter mes vues. Fais monter la température, fais monter la chaleur. On parle de maintenant. On ne parle que de la saga citerée. Sous mon abacayeko. On ne parle que du fait à l'écouter. Tu fais pas toute saga. Salut où la Sissi. Tu fais pas le président. Didier Bleu. Matoura Biga, on ne parle que de la saga citerée. Solo béton. Matoura Biga, on ne parle que du fait à l'écouter. Bébé El Patas. Chakoul le bâchiment parisien. Oui, l'affaire est sérieuse, très sérieuse, vraiment sérieuse. C'est une affaire de cigares, champagne, caviar. Signe de vos quartiers parisiens. Serge Défalé. Romain Diagouo. Liberté de Clip. Lusana Souba Oyo. Salé Barandor. Jasso Jasso. Amblé de Gouambalié. Ahmed Ouattara Kousman. C'est le président Bato Nabika, le roi de la sagacité, le meilleur bloqueur de l'année. Le gardien de sa piste, le mien n'est pas que de douceur. C'est toi le caracané du commandant de douceur. Le sorcier de la nuit, coupé décalé, c'est toi. Le thé comme divinité, le thé comme étonnateur, le haut comme original, le U comme unique, le K comme dans les prévoirs. Où t'es passé tout ça, le S comme sénateur, le S comme séducteur, le A comme actionnaire, le G comme géniteur. Ils sont bons juniors. Ça va décoller, décaler, décoller, décaler, décoller, décaler. Oh, amour la reine, atapi volan, atapi volan. Équilibré, assemble man, assemble man. Aran kadan kanagaran kadan kanagaran kadan kanagaran. Pour les soudains, tchon tchon fort. Kanakelege la matoun, kanakison baga koko. Kanakadakadan koum, kanakadon kadakon takaton tan. Les soudains, kanakadon takaton tan. Décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois, décalé chinois. Ouyangane ni yorombe, ni kia waya fonza fonza. Maman Rokile. Abiga proclamation. Maman Gourou. Montre-moi la griffe, yo. Proclamation. Le ministre de la joie parisienne. Montre-moi la griffe, yo. Proclamation. Je veux voir les brouillards. Je veux voir les ton pantalon. Proclamation. Je veux voir la griffe. Maman de Bago. Et tout ça y est. Proclamation. Décoller, décoller, décoller, décoller, décoller. Les yeux sont sexy. Proclamation. On y a bien ni bali, yo. On y a bien mes gars, yo. Proclamation. Tout ça y est. Yo, Atlantis. Ahmed Bakayoko. Adekoleman, Adekoleman, Aran Kandan Kanak Sound. Bongo. Affaire de Luxaga, c'est vraiment fort.